se croisent. Les petits mots naïfs qui se barrent font que tout s'efface en laissant des traces. Alors viens vite te serrer dans mes bras, tant qu'on le peut, toi et moi. Plus tard, tout nous l'interdira. Personne ne sait vraiment pourquoi. Plus tard. Car plus tard, bien plus tard, tu me tueras. Sans même le savoir durer la connerie, je l'ai vécu avant toi. Te presse pas, reste blotti contre moi. Car plus tard, bien plus tard, tu me tueras. Secret, t'en fais pas, les mots, c'est trop, c'est flou.